Examen 3. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Bonjour, c'est un message pour Monsieur Jaffray. Ici le garage Lagarde. Votre voiture est prête et vous pouvez passer la chercher à partir de demain matin. Nous ouvrons à 8h. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler au 05 61 34 59 43. Au revoir.